Théo, bonjour. Bonjour Alexis, content de t'entendre. Et moi aussi. Alors, justement, je t'ai demandé en fait de réagir puisque, comme je le disais, Marco Deblois m'a annoncé cette semaine que les sommets de l'animation ne pourraient pas continuer en tant que tel, en tant que festival. Comment tu réagis à ça, en fait? Moi, je comprends de toi cette nouvelle. C'est une nouvelle absolument triste. Parce que Sommet, c'était l'un des festivals de cinéma les plus importants au Montréal. Pour moi, c'était évidemment l'un des festivals les plus importants pour l'animation au Canada. C'est absolument nécessaire pour le développement et pour le cinéma d'animation francophone. On ne discute même pas que le travail de Marco Deblois comme sélection, je pense que c'était l'un des festivals avec une sélection plus impeccable de tous les festivals. Pour moi, la sélection et le programme étaient toujours, toujours, toujours 100% bien fait, bien pensé, bien établi. Il y avait du monde. Pour moi, c'était vraiment une fête. Il y avait du monde, les salles ont été pleines, pleines, pleines chaque fois quand je suis allé dans ce festival-là. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont décidé ça. Parce que, tu sais, pour les animateurs, pour les gens qui s'occupent avec, qui fait cet art-là, l'art d'animation, c'était un forum absolument nécessaire. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui peut voyager à Ottawa, et puis Ottawa, évidemment, c'est plus anglophone, c'est plus vers Amérique du Nord, USA, plus vers les cinéastes indépendants de New York notamment. Donc, Montréal, c'était vraiment un forum très important pour les animateurs à Montréal. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et je suis sûr qu'après ça, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde qui vont régir et qui vont créer des autres festivals sur ces places-là, Oui, qui parce que vont les c'est vrai. remplacer. Mais ce qui va être dommage, parce que moi, j'entends déjà les rumeurs qu'il y a certaines personnes qui vu établir un festival international d'animation à Montréal. Mais ce qui va être le problème, que ces gens-là, parce que je connais beaucoup de ces gens-là, ils sont pas capables de faire une programmation et un festival si bien comme Marco Deblois. Oui, c'est ça, c'était la C'est ça force de. mon point à voir. On ne doit pas laisser ces places-là. C'est une place déjà établie et si on le laisse à quelqu'un d'autre, le résultat sera pas bon. En plus, C'est directement ça ce que je pense. toi, tu as une relation en plus particulière. Tu avais fait une expo l'année dernière, Oui. donc en 2013 maintenant, et c'est un festival sur lequel tu as souvent été. Oui, Marco, je pense qu'il a pas mal sélectionné mes films. Et l'autre chose qui est très, très, très importante, Marco était très bon dans la sélection parce que pour lui, il n'avait pas comment je peux dire, tu sais, il a vraiment jugé des films selon la qualité des films. Ouais. Il s'intéressait pas si le film était fait avec beaucoup d'argent, si le film était fait à ONF, si le film était indépendant. Il a jugé tellement les films par rapport de son qualité. Et donc c'était vraiment une façon indépendantiste qui viennent aussi de fait que le festival était organisé par la Cinémathèque québécoise. Ouais. Donc, cette indépendance va manquer, quoi. C'était comme une autre critique sur l'art d'animation, notre point de vue. Ouais, et puis Et ça, ces nouvelles-là arrivent dans un moment quand je pense que le festival a établi, absolument, il s'est bien positionné dans le paysage international des festivals d'animation. Il y avait des gens, des visiteurs qui sont venus d'ailleurs. Je sais pas, même je parle pas de l'événement qui sont créés au Québec, parce que vous savez, c'était le seul festival qui se tenait dans deux lieux. L'une était à Ouais. Montréal, l'autre était au Québec. Il avait des projections de tous les programmes. Et ça va avoir un impact sur l'art d'animation, je sais pas quoi. Ouais, parce Vous que... savez, juste pour continuer Oui, bien ma sûr, je t'en prie. réflexion, parce que c'est très intéressant. Est-ce qu'on va laisser les jeunes animateurs de s'intéresser sur le monde des jeux vidéo et de s'intéresser sur le monde de l'industrie? Parce que si on enlève les forums comme ça, évidemment, c'est question de l'éducation vers l'art d'animation va être affaiblie. Oui, c'est ça. Pour toi, c'était vraiment un pont en fait entre l'animation aussi internationale, ce qui se fait aujourd'hui, et une jeune génération. Absolument, Ouais. absolument, parce que vous savez, les jeunes, les étudiants, ils ne voyagent pas. Ils sont mis dans son capsule avec ses téléphones cellulaires. Ils n'intéressent rien que son Facebook ou Twitter ou Instagram. Et la seule façon de les sortir, c'est de créer un événement, de les mettre là, dedans, vous savez, de prendre sur les coups et de les convaincre qu'ils sont des artistes, Ouais. des gens qui peuvent faire ça. C'est pas quelque chose de démocratique, mais bon, il faut le faire. Donc le Donc, travail, ouais. ça comme rôle, c'est en fait, c'est ça le rôle d'une cinémathèque, quoi. Si, quand une cinémathèque fait une projection de films de Bergman et de Godard, évidemment, la salle n'est pas pleine. Il y a 5 ou 10 personnes dans la projection. Donc, mais on peut pas fermer la cinémathèque, on peut pas attirer ce programme-là, parce que c'est pas grand public. Ouais, c'est C'est ça, pas le truc de courir toujours après le grand public. Pour moi, ça marche jamais. Pour le grand art, il n'y a pas de grand public. Il y a un petit public, mais les gens qui sont beaucoup beaucoup plus importants, je ne vais pas dire important, mais les gens qui sont vraiment passionnés, qui vont tenir la marche, la voie. Ouais, c'est ça, c'est C'est ça. Ouais, c'était l'importance d'un festival comme les sommets, c'était ça, c'était de pouvoir montrer une certaine voie, parce que vu de l'extérieur, on avait l'impression, moi j'y suis jamais allé, mais qu'en plus il y avait, comme tu dis, un bon équilibre, parce qu'il y avait quand même des choses qui étaient un peu plus pour un public plus large, on va pas l'appeler grand public, mais un public plus large, des choses très pointues, enfin, il y avait un vrai mélange. Donc, Oui. ouais, donc c'était quand même très ouvert comme festival, j'avais l'impression. Oui, absolument. Oui. Marco, il a fait un travail magnifique qui s'est pendant depuis, je sais pas, le sommet d'animation existe depuis 10 ans, ou je me Crois, souviens même pas. Ils ont existé toujours ouais. pour moi. Je ne me souviens pas Montréal sans sommet d'animation. Bon, donc faut espérer le message que tu pourrais dire, c'est qu'il faut espérer que ça continue, ou en tout cas peut-être, je sais Et pas, sous ça forme doit festival. continuer. Écoute, si on doit se battre, on va se battre. Tu sais, moi, je suis fou assez. On va aller manifester ou faire quelque chose. On ne peut pas laisser comme ça.